Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, and McKenna. We are old. We are young. We are America. Oh, oh, quelle argent avec vous! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Yeah. qui n'a peur de rien. Nous dormirons sur la dune, nous reprendrons chemin. Sentir le loup en soi qui regagne le rang. Pour la terre, nous chercherons la lutte, nous donnerons l'amour. Pour le temps d'une vie, un éclair. Tu traverses le ciel, le soleil te guidera, tu retournes la mer. We'll be right back. seule qui peut le calmer, c'est toi dans mes bons jours. Un peu blues, le regard sous le trouble, un double mal encaissé, le cerveau déglingué, le geste mal assuré, envie de te jeter. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer, c'est toi, dans mes bons jours. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Morica, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h, de 19h à 22h, donc tous les vendredis soirs, et puis aujourd'hui c'est l'édition numéro 572. La semaine dernière, c'était la première semaine où on a reçu des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque c'était Chris et Léo qui étaient dans nos studios. Donc ils ont inauguré le nouveau matériel, et puis on a eu des très bons enregistrements, en tout cas on est très contents. On va remercier aussi notre ami Florent de nous faire des podcasts. Donc là j'ai pas encore récupéré les lives de la dernière fois, par contre on va écouter un petit morceau juste après, un petit morceau qui s'appelle La Déviation, qu'on a déjà écouté dans la semaine précédente. Depuis le début de l'émission, on a écouté déjà pas mal de musique, on a écouté un groupe que nous avons reçu dans le courant de l'année 2022. 23 ou 22, je me souviens plus exactement. Enfin, c'était il y a pas très très longtemps. C'était le groupe Roraima avec un morceau qui s'appelait Monolith. On a écouté aussi Kill the Princess, un groupe qu'on connaît mais qu'on n'a pas encore reçu dans les studios puisqu'ils viennent de Paris. Peut-être un jour feront-ils le voyage pour partager avec nous un vendredi soir une bonne émission. Kill the Princess, c'est un groupe qui est composé de uniquement de fans. Voilà. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Dream Knight. Et puis ça envoie bien, donc on aime bien l'écouter assez régulièrement. On a aussi découvert un nouveau titre de Koda. Vous savez, il a sorti un nouvel album. Et on a écouté un morceau précédemment. D'ailleurs, le titre, je ne m'en souviens plus exactement. Enfin, je vais vous annoncer quand même le titre qu'on a écouté ce soir. Parce que le titre s'appelle Je suis d'ailleurs. Voilà. On a écouté aussi le groupe Ombrage, un groupe que nous avons découvert aussi dans le courant de cette année, avec un morceau qui s'appelle Lettre Noire et qui était aussi au... Bon, ce sont des rockers, hein, ce sont des jeunes rockers et ils ont du cœur puisqu'ils ont participé au Rockers ont du cœur la semaine dernière à Saint-Jean-de-Bray. Donc il y avait trois groupes, on en reparlera tout à l'heure. Donc il y avait le groupe Ombrage et franchement ils ont assuré, sachant qu'en plus après ils allaient ils couraient à l'Astrolabe, ouais, pour faire un deuxième concert. Hein. Donc ils en veulent les petits et en plus franchement ils m'ont épaté. Le groupe Ombrage nous a interprété tout à l'heure au début d'émission un morceau qui s'appelle Lettre Noire. On a poursuivi avec encore un groupe, voilà, c'est des amis, hein, c'est des gens qu'on aime bien recevoir assez régulièrement. Il s'agit du groupe Dérapade avec un morceau qui s'appelle Showbiz. Juste après d'autres amis, hein, des potes bien à nous, le groupe Red Daff avec un morceau qui s'appelle Parano. C'est le morceau qu'on a écouté juste avant de prendre l'antenne, hein. Alors, prendre la parole, parce que l'antenne on l'a déjà pris depuis pas mal de temps. Je vous ai laissé une demi-heure sans musique, hein. Franchement, est-ce qu'il y a d'autres radios qui vous font ça? Et ce soir j'ai envie de vous laisser un peu tranquille, vous diffuser que de la bonne musique et puis de parler le minimum, mais quand même présenter les groupes, hein, comme on fait habituellement. Donc j'ai aussi le programme, l'agenda avec tous les gens qu'on va recevoir, mais on a tout le temps, on est ensemble jusqu'à 22h. Donc juste après Chris et Léo avec La Déviation, et encore après ce sera le groupe Lajari avec J'habite en France. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Le Regard. Des voisins plus qu'éméchés, des mots sur ressort, des actes condamnés. aux jeunes à mourir tôt. On apprend aux sots à mourir jeunes jusqu'au grand final. Un feu de Saint-Jean dans la mairie. S'est arrêté, comme toutes les guerres, juste en arrêtant d'en parler. Tout le monde a trouvé une autre occupation, jusqu'au jour où on recommencera, parce qu'on n'aura rien appris. D'ailleurs, pourquoi ça avait commencé? Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David. On est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. J'habite en France, voilà, il est sorti hier ou avant-hier, en tout cas c'est tout frais, tout neuf. Et puis toujours avec grand plaisir, on retrouve La Jarry en concert. Bah, actuellement, ils tournent pas mal, hein, donc dès qu'ils seront un petit peu disponibles, ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, tout comme tous les ans. Et c'est toujours un plaisir de passer une bonne soirée avec eux. Juste avant, c'était Chris et Léo, et vous avez pu remarquer, habituellement c'est Chris qui chante. Et là, exceptionnellement, c'est la voix de Léo qu'on écoute dans cette chanson qui s'appelle La Déviation. Juste après, on va découvrir un autre groupe que nous avons déjà reçu il y a quelques années déjà, mais que j'ai eu l'occasion de retrouver au Rockeron du Cœur, justement. C'est le groupe Twister Cover, et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle All Alone. Machine, I see you écouter Twister cover avec All Alone. Et savez-vous ce qu'est l'amour? Ben, That's Love. Voilà, c'est les Chili Dogs. Juste après, on va écouter un autre groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle The Sharpers, avec un titre qui s'intitule simplement Doctor, Doctor. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et puis après, on ira faire un petit tour du côté de Paris avec Anaïs et un morceau qui s'appelle Tombola. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et restez avec nous jusqu'à 22h.

Que vive le rock libre. Vous avez reconnu sûrement ce rock endiablé. Il s'agit du groupe Brigitte Bop que nous avons eu la chance de recevoir une fois, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent parce que c'est quand même un groupe qui a une très longue carrière en tout cas. Et puis c'est des passionnés, et puis il faut les voir sur scène. C'est vraiment un groupe qui envoie du bois. Voilà, juste après on va écouter les City Kids, Poison Dream. Et juste avant on avait écouté aussi Anaïs avec sa petite voix, Anaïs from Paris avec Tombola. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Havre, les City Kids, voilà un groupe que j'ai eu déjà la chance de voir en concert, mais justement ça peut se renouveler puisqu'ils seront sur Orléans très bientôt au Dropkick Bar à Orléans, donc dans le plein centre, place du Châtelet. Il y aura donc le vendredi 15 décembre The Twangy on Tom Trio avec les Strong Common et les City Kids, et le lendemain il y aura samedi 16 décembre donc les Brigitte Bop qu'on a écouté juste avant avec The Quinks, et il y aura aussi les City Kids, donc ça se passe très bientôt, et le vendredi forcément on pourra pas y aller puisque on a radio, et je serai bien accompagné ici avec Angéline Anonier qui sera notre invitée. Et par contre le samedi il y a peut-être des chances qu'on se retrouve là-bas, hein, pas de souci. Voilà, on va continuer avec un autre groupe qu'on a eu l'occasion de voir au Rocker en du cœur et que je viens de citer, donc ils seront avec Twangy and Tom Trio, c'est les Strong Come Ons le vendredi 15 décembre avec les City Kids, et franchement ils ont fait un superbe concert ce samedi passé, donc au Rocker en du cœur, les Strong Come Ons, et d'ailleurs j'avais très bien reconnu la chanson qu'on va écouter juste après, c'est une chanson qu'on diffuse assez régulièrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika, et ça s'appelle Underworld. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. aussi en forme les Strong Commons avec Underworld. Juste après, on vous a parlé tout à l'heure de The Twangy and Tom Trio, donc ça serait dommage de pas écouter un morceau. Le morceau que je vous propose d'écouter, ça s'appelle I Ain't Had No Loving. Twangy and Tom Trio, voilà un groupe qu'on aime beaucoup dans l'émission Mavrika, et on écoutera au fur et à mesure des émissions des différents morceaux de ce groupe hein, qu'on apprécie énormément, qui sont déjà venus plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui commencent à nous manquer un petit peu. Donc Phil, si tu nous écoutes, si tu as envie de venir avec tes copains, il n'y a pas de souci, il y a toujours de la place pour toi sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Voilà, on va continuer avec encore de la bonne musique. Bah, on l'envoie et puis je vous le présenterai après, pas de souci. Avec Excès d'un soir, on a poursuivi avec Pauline à la plage, avec L'amour à la plage, et à l'instant c'est Willy que nous avions reçu en solo dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec un titre qui s'appelle Je suis libre. Et justement Willy, eh ben je vais tourner la page, voilà, parce que j'ai une petite note tout simplement. Alors demain il sera justement à la soirée support Rock in Rebrech. Donc ben c'est un concert qui aura lieu à Rebrechien, comme son nom l'indique, et c'est une entrée libre, hein. Vous pouvez venir et discuter avec les gens, rencontrer les gens, c'est le but, hein. Et il y aura un concert acoustique avec Arnaud Walden et David Jacob, qui est le bassiste de Trust, hein, voilà, rien que ça, hein, en même temps. Et il y aura aussi Will, justement Will, qu'on vient d'écouter actuellement, qui a constitué un nouveau groupe qui s'appelle Will and Guys, tout simplement, et ils seront en concert eux aussi. Et il y aura aussi le groupe Blue Revenge avec Fab Blues Le le ou les, je ne sais pas exactement. Et il y aura une soirée dansante, donc ça se passe à Rebrechien. C'est la soirée Support Rockin' Rebresh. Voilà, tout simplement, on va le dire à l'américaine, parce que c'est un côté, ça doit pas être loin des États-Unis, hein, parce que c'est un petit côté américain quand même. En tout cas, c'est l'occasion de passer à une bonne soirée, et c'est à partir de 20h, donc à Rebrechien. Voilà, je suis en train de regarder les petites notes et tout ça, voilà. Donc là, je suis à jour. Pauline à la plage, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et Pauline à la plage, c'est un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, à part le batteur qui s'appelle Pierre et qui était le batteur de Mandrake. Vous vous souvenez de Mandrake, qui est venu de nombreuses fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et ben justement, Pierre viendra avec son groupe Pauline à la plage le 14 janvier 2024. En attendant, et ben on va écouter encore de la bonne, très bonne musique. Ben on va écouter la musique et puis on en parle juste après. My good place, the crowd hurrying step by step, many bikes and water carriers and tuk-tuk. A train of thoughts travels through my imagination. I hop off at the station. Railway takes me far beyond, beyond Sikyong. Faces, dragons, pagodas and sunbeams. Many dusty roads in the land of a red dragon. A train of thoughts far back to my imagination. I hope of other stations. Railway takes me far beyond the onset. Something of a mystery. I wanna change my way. sera éternel. Et la rancœur, violence, avarice et haine, ses péchés sont sans pudeur. Brûler tes ailes. On a fait un petit voyage à Shanghai avec Angéline Anonier que nous allons retrouver le 15 décembre. Elle sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et viendra pas toute seule. Hein. Vous verrez, on va passer encore des bons moments. Comme à chaque fois, de toute façon, c'est toujours un plaisir de la retrouver ici. Hein. Je vous rappelle que Angéline était la choriste de Johnny Hallyday, Michel Sardou, entre autres, hein, pour vous dire quand même que c'est une voix qui est reconnue. Hein. Et puis nous, en tout cas, on l'apprécie énormément pour le travail qu'elle fait. Il y a aussi, on a pu écouter Alex Lebaille, un artiste qu'on nous avons reçu au mois de septembre. Il n'y a pas encore très longtemps, hein, c'est vrai que le temps passe vite, mais bon, c'est tellement un plaisir aussi de le retrouver dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour des émissions spéciales. Le titre qu'on a écouté s'appelle « Je me défends ». On a écouté aussi le groupe Jache, voilà un groupe qui a participé à un Mavrika Live. Il est venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission, mais ça fait déjà longtemps. Et puis, il y a eu un petit stand-by là, pendant un petit moment et là on voit qu'ils recommencent à tourner et apparemment ils envoient toujours autant de bois sur les scènes sur lesquelles ils se produisent en tout cas. Voilà, et à l'instant vous avez pu reconnaître un groupe qui est venu une seule fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Je ne sais pas si c'est de l'actualité actuellement, mais s'ils ont des choses à dire, bah, ils sont toujours les bienvenus. Il s'agit de Miss Grad & Co avec Disrespectful. Voilà, on a parlé tout à l'heure d'Arno Walden qui sera en concert donc demain au Rock in Rebrecht. Non, ça sera tout à fait, pas tout à fait. C'est la soirée qui va nous préparer justement au Rock in Rebrecht. C'est une soirée acoustique et justement Arno Walden est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il est venu à plusieurs reprises. Hein. Ça fait un petit moment aussi qu'on l'a pas reçu. C'était dans l'émission numéro 134. Hein, pour vous dire, ça date déjà de quelques années. Il avait interprété un morceau que j'aime beaucoup, hein, version album. Et cette fois-ci, on va écouter la version acoustique du Mavrical numéro 134. Le titre s'appelle Tell Me et on écoute tout de suite un avant-goût de la soirée de demain. Voilà. Thank you.

silencieux, c'est que l'on n'a pas pu faire mieux. Nos souvenirs dans nos valises, on prend le large, on fuit la crise. C'est nos regrets, restés à quai, gardant l'espoir à nos côtés. C'est leur promesse, laisse un goût amer, laissez-moi boire, vendre la mer. On verra bien, sur le moment, si l'on a bien cicatrisé. On verra bien, sur le moment, si l'on a bien pensé nos plaies. C'est juste une petite parenthèse pour oublier nos états d'âme. C'est juste une petite parenthèse pour oublier nos mélodrames. Dum dum dia, dum dum dia, dia. tio, per un dio, dum dum dia, tio, per un dio, dum dum dia, dia, tio, dum dio, dum dum dia, tio, tres a que vos tres a que ye, dum dia, dum dum dia, dia, tio, per un dio, dum dum dia, tio. Dum dia, dum dum dia, dia, dia. Les yeux rivés face à l'océan. Florent Amigo, j'aimerais remercier tout le monde qui sont adhérés au groupe Les Podcasts de Radio Arc-en-Ciel Orléans. Vous êtes 397 personnes. Merci à tous de suivre Radio Arc-en-Ciel et toute son équipe. À bientôt. Bonne écoute de Radio Arc-en-Ciel et l'émission de Albino Mavrika. Allez, c'est parti. Je voyais plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en ciel n'a plus de mur. in every day. Jerry knows his own. Never share your dreams. Like better being alone. Being loved one day. J'ai pas voulu interrompre la musique, hein, puisque c'est des morceaux voilà uniques, hein, c'est des morceaux qui ont été enregistrés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors des différents artistes, lors du passage des différents artistes dans l'émission Eureka. Voilà, j'ai réussi à tout mettre dans l'ordre, tout simplement. Voilà, on a commencé avec Arnaud Walden, avec Tell Me Why, un live acoustique dans l'émission numéro 134. On a poursuivi avec Dead for Romance, avec Goodbye, un live acoustique de l'émission numéro 252. On a continué avec le groupe Arcadia sur le moment avec un live acoustique de l'émission numéro 195. Zinia avec Entre Terre et Mer, live Mavrika dans l'émission numéro 253. Panama avec Fleur des Rues, live Mavrika 254, l'émission. Les Garens avec Éteins la Lumière, cette fameuse reprise d'Axel Bauer dans un live acoustique, non, un live électrique, hein, c'était en électrique, c'était avec un live Mavrika numéro 144, et à l'instant, c'était le groupe Chaos avec Jerry, un morceau que j'aime beaucoup, et qui nous avait été interprété par, donc, le groupe Chaos dans l'émission numéro 135. Voilà, j'ai pas voulu interrompre, mais à chaque fois, c'était que de la bonne musique. Par contre, vous avez pu reconnaître la voix de notre ami Florent, qui fait les podcasts, et qui avait envie de nous envoyer un petit message, comme ça vous avez pu l'entendre. Alors vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous verrez qu'il y a les podcasts des différentes émissions Mavrika, et si vous allez sur le lien, vous verrez qu'il y a aussi d'autres podcasts des autres émissions de Radio Arc-en-Ciel, et c'est notre ami Florent qui les fait. Voilà, donc c'est fait, le petit message est passé, merci Florent. Et puis on va continuer avec de la musique. On va écouter avec un artiste qu'on a reçu une seule fois, et franchement j'aimerais bien qu'il revienne, parce que j'ai franchement bien aimé ce qu'il faisait. C'est un chanteur qui interprète des morceaux en français, il s'appelle Manu Lorca, et le titre que je vous propose d'écouter, c'est « Tu me disais ». Thank you. maintenant. Après tout ce temps, c'est quand l'avenir, le moment de partir, pour se laisser vivre aux portes du vent, devant les océans. Tu me disais, pardon, je te fuis, prenons une autre route, loin de tes doutes. Déplaçons les dunes de nos plages d'automne pour y planter des vignes sous un ciel plus digne. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Je me disais, dans les fils du cœur, sous un tendre manteau qui nous tiendra chaud, à l'abri des démons, à l'abri des mensonges, pour nous construire un monde à l'âme vagabonde. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin. Espoir du lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour. Espoir du lendemain. Tu me disais, prends-moi les bras plus forts, donne-moi le courage de sortir de l'orage et trouver un éclair au creux de nos nuages. Ouvre plus grand mes yeux pour te comprendre mieux. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, l'espoir du lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, l'espoir de lendemain. Tu me diras, voilà le maintenant. Après tout ce temps, nous touchons l'avenir. Il est l'heure de partir pour se laisser vivre porte du vent, devant les océans, sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain, sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain, sans attendre toujours. Sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain. Espoir le lendemain. Chanson, le groupe Prisma avec No More Tears. Voilà, bah justement, moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est il faut aller vraiment au concert, aller voir les artistes, aller les applaudir, parce que c'est très important. Puis tout à l'heure, j'ai eu mon ami Christophe qui, lui, organise aussi des soirées. Bientôt, il y aura le Creek Fest qui sera organisé. Donc, on aura le temps d'en parler d'ici là. Ce que je voulais aussi vous faire, c'est vous parler un petit peu de tous les artistes qui vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans les prochaines émissions. Alors, par exemple, la semaine prochaine, il y a, ben voilà, je pourrais pas faire l'émission avec des invités. Pourquoi? Parce que pendant que l'émission se fera, moi je serai pas là. Hein, c'est-à-dire que ça sera une émission qui sera enregistrée. Le 15 décembre, nous aurons Angéline Anonier qui viendra pour la troisième fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Hein, on est content de la retrouver à chaque fois. Le 22 décembre, on recevra aussi un groupe qui s'appelle Omiris. Alors ça, c'est à confirmer. Pour l'instant, normalement, on a retenu la date. Ça devrait se faire, il n'y a pas de souci, mais il y a une petite confirmation à attendre. Donc on attend encore un petit peu. C'est comme pour le mois de janvier. Donc le 5 janvier, normalement, c'est Drive to Amnesia. Alors vous savez qu'il y a eu un changement au niveau des artistes qui composent la formation. Et normalement, le 5 janvier, mais à confirmer aussi. Donc Drive to Amnesia, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Justement, je vous confirmerai ça dans les semaines qui viennent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 12 janvier, on recevra Pauline à la plage, ici dans le studio Radio Arc-en-Ciel. Ça sera studio Radio Arc-en-Ciel plage. Voilà, Pauline à la plage, donc un groupe que nous allons découvrir. Il y a deux morceaux qu'on diffuse déjà depuis quelques temps, et ce sera l'occasion de les voir en direct live dans nos studios. Le 19 janvier, ce sera le groupe Prisma qui sera ici avec nous dans les studios. Donc on vient d'écouter leurs morceaux et j'espère que ça vous a donné envie d'aller les voir en concert et de les retrouver aussi sur Radio Arc-en-Ciel dans la prochaine émission, donc le 19 janvier. Voilà, le 28 janvier ce sera le retour des Uncle Bikers ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Un vrai plaisir parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. J'aime bien le rock'n'roll qu'ils nous font, ça nous fait danser, ça nous donne envie de bouger, ça c'est important de bouger. Voilà. Au mois de février, il y a déjà aussi des dates qui sont déjà prévues. Il y aura le groupe Transchacal Express le 2 février 2024. Donc on les diffuse déjà depuis pas mal de temps. On avait essayé de s'accorder pour les recevoir et là c'est chose faite. Donc la date est réservée le 2 février Transchacal Express. Et le 16 février, voilà encore une date qui est réservée, c'est justement le groupe Will and the Guys. Donc le groupe que vous pourrez retrouver demain en acoustique à Rébréchien à partir de 20h pour la soirée de soutien pour le Rock in Rébréchien. Et il y aura entre autres aussi notre ami Arnaud Walden. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Alors, ce que je vais faire quand j'aurai un petit peu le temps, c'est que tout ça, je vais dans des petites fiches. Je vais mettre ça une petite image que je mettrai sur le Facebook de Maverika, comme ça vous serez au courant de tous les artistes qui vont passer avec la date, etc. Donc et puis surtout si vous êtes concerné, vous vous souviendrez qu'il faudra venir ce jour-là. Voilà, en tout cas ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. On va continuer avec de la bonne musique. Alors je vous ai encore préparé deux bons morceaux. Alors tout à l'heure on a écouté Prisma avec No More Tears. Alors c'est un super morceau, un super slow, et c'est vrai que c'est un morceau qu'on a dans la tête et qui nous fait beaucoup de plaisir à entendre dans l'émission Eureka. Et on va continuer avec un morceau un petit peu plus speed qui s'appelle As Long As It Pays, et c'est le groupe Last Rider. Last Rider. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Eureka. Et le temps passe très vite, il est déjà 21h18, mais on est ensemble jusqu'à 22h, donc on va essayer de speeder et passer le maximum de bonne musique avant 22h. si vagabond. Qui se pourrit les artères assis sur du béton. Faut passer sans me voir, cruautés à talons, piétinant nos espoirs, de vos sourires bidons. Je veux tout. Allô la terre, ici vagabond. Pour une gorgée de travers dans le dos des frissons. Pas très cool nos hivers sans toi dans la ville. Juste une porte cochère et ma haine dans ta gueule. Je veux tout. Ici, vagabond. Tes poings levés se dressent, peau de fer, peau de fesses. Je ne vois que vos bas comme des rats vous trottez. Je respire vos pas, je ne peux pas vous aimer. Pas très cool nos hivers sans toi dans la ville. Juste une porte cochère et ma haine dans ta gueule. joy when my shins deploy nowhere. Just making richer a bad boy. White cedars everywhere. Some money flows into a river. Introduce to someone there. We see how I'm living here. Oh, oh, oh, oh. White cedars everywhere. Some money flows into a river. Introduce to someone there. We see how I'm living here. Oh, la longueur d'audition. Les sous-bois, les petites bêtes, les ressens, j'ai ce double pas, même propre, son bas, des gros malheureux. détruire le mien en mode ultime. La vengera-t-il ma vie? J'ai le disque dur qui déraille. Y'a trop de monde qui se bouscule au sein de mes entrailles. Je me suis fait bouffer par les masques que je mettais pour vous plaire. Dérangé, je suis à la frontière du 15 000 univers. La tête en micro-ondes, j'entends même plus sonner. Klaxon, si tu me trouves à poil dans les rues de mon quartier, tu sais bien que je t'aime. Mais un autre moi veut te faire la peau paradoxale. Malade qui mène droit au fiasco. 3 litres d'alcool, mais j'arrive pas à tout les saouler. Toutes ces voix qui me harcèlent à longueur de journée. Je peux passer de super Saiyan à loser zéro. Je suis le feu, la classe, l'enclume et le marteau. Si je me parle à moi-même, je finis à fond. Putain, je sais pas qui parle dans le microphone. La sale impression d'être dans le corps d'un autre. On porte la fracture et de la parano. Pourtant, je suis seul dans mon pull. Malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. Je t'avoue, j'y connais période plus belle. Je suis seul dans mon bureau, malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. Je t'avoue, j'ai connu période plus belle. Pourtant, je suis seul dans mon bureau. Pourtant, je suis seul dans mon bureau. Pourtant, je suis seul dans mon bureau. Pourtant, je suis seul dans mon bureau. Peau contre peau, corps contre corps. Mais je suis seul tout dans cet effort. Et dans ce plumard, y'a plus que mon cœur. Je me pète une orgie avec moi-même. Tu sais que je suis doué pour être à la base de chacun de mes problèmes. Chaque soir, une nouvelle femme, elles ont toute la même main gauche. Faudrait que j'y vois plus clair avant que tu te mettes à parler. Je bois trop, je pense trop. Je vis dans un putain de jeu drôle où je vais marrer tout le monde. Et y'a que moi qui trouve pas ça drôle. J'ai perdu la tête, abusé peut-être de toutes ces pilules que je trouvais dans les fêtes. J'ai plié, frié, cédé sous le poids de toutes vos casquettes. Entassées sur ma sale caboche, je suis l'animal schizo, fruit pourri d'une époque, coincé entre mille peaux. Pourtant, je suis seul dans mon bulle, malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. Je t'avoue, j'y connais période plus belle. Pourtant, je suis seul dans mon bulle, malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. J'ai connu période plus belle. Pourtant je suis seul dans mon bus. Pourtant je suis seul dans mon bus. Pourtant je suis seul dans mon bus. Pourtant je suis seul dans mon bus. Pourtant je suis seul dans mon bus. Malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. Je t'avoue, j'ai connu période plus belle. Pourtant je suis seul dans mon bulle, malgré tout ce monde dans ma tête. Quand je parle de moi, je parle au pluriel. Je t'avoue, j'y connais période plus belle. Pourtant je suis seul dans mon bulle, seul dans mon bulle. Pourtant je suis seul dans mon bulle, seul dans mon bulle. Pourtant je suis seul dans mon bulle, seul dans mon bulle. Pourtant je suis seul dans mon bulle, seul dans mon bulle. Thank you. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur www.radio-arc-en-ciel.fr.com pomme pour coin point ce que vous voulez, hein, ça marche de toute manière et vous pouvez nous écouter partout dans le monde grâce à Internet. On a écouté Doreen Lowe avec Allô la Terre, The Brunettes avec Lover's Song, un morceau qui a été enregistré en studio spécialement pour l'émission Maverica lors de leur passage. Et puis maintenant je sais qu'elles sont en studio, elles sont dans un grand studio et ils enregistrent un prochain album, donc j'espère qu'ils viendront le présenter dans l'émission Maverica un vendredi soir. Voilà, Turn Off avec Profit from Earth, Dirty Charlie avec L'Art Venge la Vie, Jartel avec Seul dans mon pull et actuellement c'est Custom avec Rock'n'Roll Party. Juste après on va rendre un petit hommage à une personne qui nous a quitté dernièrement, c'est le chanteur de The Pogues, Shane McGowan, à l'âge de 66 ans. Et justement, je voudrais écouter un morceau qui lui avait été interprété il y a quelques années dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe The Grape. Ça s'appelle Dirty Old Town et c'est bien entendu un morceau des Pogues. Voilà, cette émission elle est pas tout à fait terminée, on a encore plein de morceaux à vous diffuser, je sais pas si j'aurai le temps de diffuser tout ce que j'avais préparé, mais je prépare toujours plus que ce que je peux diffuser. En attendant, on va écouter The Pogues avec dans l'émission numéro 188 The Grape qui interprétait Dirty Old Town. Much smile on Dirty old town.

Passez une bonne soirée en ma compagnie. L'émission Eureka, c'est tous les vendredis de 19h à 22h. Voilà, je m'emmène un petit peu parce qu'avant les horaires, c'était 22h, c'était 20h30 jusqu'à il n'y avait pas d'heure. Donc maintenant, on a un petit peu avancé un petit peu les horaires. Donc 19h jusqu'à 22h, 3 heures de bonne musique avec les artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, voilà des artistes que vous écoutez peut-être pas dans d'autres radios. En tout cas, j'espère qu'ils passeront un jour quand même. Mais en attendant, tous les vendredis soirs, c'est sur Radio Arc-en-Ciel qu'on écoute ces bons artistes. À l'instant, on vient d'écouter Planet of Pixies avec la voix de Monsieur Bruno Bauer que nous avions reçu dans nos studios il y a quelques mois, quelques années déjà. Le temps passe très vite. Hein. Where is my mind, c'est le titre. Juste avant, c'était les Noitol, encore un groupe qu'on a reçu avec Don't You Feel My Blood. Encore avant, c'était le groupe Skywax, un groupe que j'ai eu la chance de voir deux fois en concert, un groupe qui envoyait du bois avec un enregistrement qui a été fait pendant le confinement du Covid, ce qui s'appelle le réseau sociaux. Encore avant, c'était donc notre hommage à ce grand artiste qui était Shane McGowan, qui nous a quitté, donc le chanteur des Pogues. C'était The Grip avec Dirty All Time. Voilà, on arrive à la fin de cette émission et on va se quitter avec un morceau des Earthline, Fire Dance. Et en attendant, on va dire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. Voilà, c'est gentil d'interrompre la chanson pour me laisser parler. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite dès maintenant une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et à vendredi prochain, on écoute tout de suite Earthline. surtout pas de sortir. Soutenez les groupes locaux, ça c'est très important. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Alimentos e o uso da terra nas contribuições determinadas a nível nacional e nos planos nacionais de adaptação.